Comment ils approchent? Ils m'expliquaient que, par exemple, à Frank Meyer, bah, ils avaient appelé tout simplement les studios. Là, c'est eux qui t'ont contacté, Franck, pour l'inventaire fantôme. Oui, en fait, on s'est rencontrés au festival de Lille. Je ne me souviens plus du nom exactement du festival. Mais oh, c'est les rencontres. Festival. Oui, c'est ça. C'est rencontres animées, en fait. Ouais, pas tellement de, ouais, de noms. C'est rencontres animées de Lille. Ouais. Et voilà, ils ont vu l'inventaire fantôme. Ils l'ont beaucoup aimé et ils voulaient l'éditer. Voilà. Et donc une édition. Alors, je le sais un petit peu, oui. Une édition qui en plus, et ça qui est intéressant, devrait avoir non pas seulement que le film, qui serait déjà bien en bonne qualité, ouais. Ce qui est toujours agréable, mais en plus l'agrémenter d'un documentaire. Oui, parce qu'en fait la réflexion, ça veut dire que très vite, Guillaume, le responsable de Chalet Film, a voulu faire ce qu'on appelle un single, un peu comme dans les disques, ouais. Un single avec l'inventaire fantôme, qui n'est qu'un court-métrage, qui fait que 10 minutes, générique compris. Donc, bon, même si le DVD sera vendu beaucoup moins cher qu'un DVD normal, ça ne donnerait finalement qu'un film de 10 minutes sur un gros DVD. Et comme il existe un site très complet sur l'inventaire fantôme qui explique son mode de production, les trucages... Enfin bref, ça m'a donné l'idée, et de toute façon j'avais envie pour finir cette histoire dans l'inventaire fantôme qui est quand même sortie il y a un an et qui depuis a eu dans les festivals une assez belle carrière au niveau de sa visibilité, eh bien j'avais envie de finir un peu cette histoire-là avec un documentaire qui serait l'inventaire de l'inventaire en somme. Mmh. Ça veut dire dont tu n'es pas tout à fait étranger, cher Alexis. Merci, j'ai la chance en effet de pouvoir participer à cette aventure. Il faut voir pourquoi Franck, je coupe Franck pour pourquoi Franck. Encore une fois, cette rubrique-là, la rubrique Zoom, on rentre directement dans la rubrique Zoom, puisque malheureusement, la rubrique sur Chalet Film tombe un peu à plat dû à cette technique que je n'ai pas su maîtriser, mais ça arrivera, promis. Zoom, c'est tout simplement que beaucoup de gens, ce qui est surprenant avec l'inventeur fantôme, c'est qu'on l'a vu en 2004, Franck venait pas du tout du milieu de l'animation, et en fait, on l'a tous vu, et ce qui est surprenant avec l'inventeur fantôme, alors ça, je l'ai pas dit, mais qu'on l'aime comme moi ou qu'on ne l'aime pas, parce que j'ai rencontré des gens, c'est un film qui marque. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, peu de gens, quand je parle de l'inventaire fantôme, peu de gens me disent juste, quoi, c'est quel film déjà? C'est un film qui marque. Pourquoi? Parce que quand on le voit, la première chose, et c'est vrai que c'est important dans un film d'animation, c'est la technique. C'est-à-dire c'est très impressionnant. Après, on peut être touché ou moins touché. J'avoue que j'ai la chance d'avoir été touché. C'est toujours agréable d'être touché par un film d'animation. Tant mieux pour moi. mais c'est vrai que c'est agréable. Et ce qui est fou, et quand on regarde un petit peu le site, dont je vais donner l'adresse évidemment un peu plus tard, c'est le travail invraisemblable. Quand quelqu'un qui n'est pas d'animation, même si tu avais travaillé un petit peu dans l'animation par rapport à des jeunes à qui tu avais aidé, enfin faire la compréhension de l'animation, c'est quand même fou de se lancer dans un je veux dire, Franck, pour dire rapidement, et acteur notamment, son principal, le premier travail, et c'est complètement fou de se lancer dans quelque chose qui est l'inventaire fantôme. Pour les gens qui l'auraient pas vu, c'est au départ de la stop motion, ouais, des petites marionnettes qu'on crée, c'est un boulot monstre. Oui, c'est un gros travail, mais s'il y a eu autant de travail dessus, je pense que c'est dû aussi à une espèce de complexe de la personne qui, justement, ne vient pas de l'animation. En l'occurrence, c'était mon cas. Et quand on est en dehors, comme ça, d'un univers, eh bien, on essaie d'y rentrer en mettant toutes les chances de son côté. Et donc, on en fait deux fois plus en termes de travail, en termes de... Enfin, moi, en tout cas, c'était ma manière à moi de pouvoir... J'avais la sensation que si jamais c'était très dur à faire, qu'il y avait beaucoup de travail, je pourrais faire mon film. Et ce qui est un peu ridicule, mais bon, c'était comme ça et ma manière de faire, de procéder. Et c'est vrai que j'ai voulu, pour mon premier film, faire quelque chose qui était très très, comment dirais-je, complexe techniquement, parce que c'est non seulement la stop motion, mais c'est aussi par-dessus, tout est repeint numériquement avec des éléments qui sont de l'ordre de la peinture, et le tout mélangé, voilà. Alors, et pourtant, ce qui marque, on va dire, il y a certes, parce que j'ai l'impression, j'ai dit ça, on a l'impression qu'il n'y a que la technique, mais non, ce qui est très étonnant, pour raconter rapidement l'inventaire fantôme, c'est un huissier qui arrive chez un monsieur Lamartine, qui ne collectionne... Que les objets dont plus... les souvenirs dont plus personne ne veut, pardon. Voilà, et qui va découvrir une porte, et là, je ne vous en dis pas plus, parce qu'évidemment, il faut voir le film, et qui découvre une porte qui l'amène... dans un grenier énorme, avec, voilà, comme par hasard, des objets par milliers. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a donc un travail fou au niveau des décors. Et au niveau des personnages, il y a des vraies expressions. On a vraiment l'impression que ça vient du travail, ton travail d'acteur avant. Enfin, moi, c'est ce qui m'a marqué. Oui, c'est ce qui m'intéressait, bien sûr. Mmh. Oui, c'est ce qui m'intéressait dans... Ben, moi, je suis pas animateur. Mais ce qui m'intéressait, comme je suis à la fois sculpteur, illustrateur, et que j'ai eu une formation et que j'ai vécu un petit peu de ça, comédien, c'était de tout mettre dans une espèce de grosse marmite, hein, et de faire un film qui ressemble à mes multiples passions, finalement. Voilà. Et donc c'est l'inventaire fantôme qui va se trouver. Alors, le site, qui est absolument magnifique, c'est un site où on apprend plein de choses, faut le noter. Alors, j'y suis allé tout à l'heure, il marchait pas, donc tu vas me dire si c'est la bonne adresse. Ah bah merci. Le site qui ne marche pas. Non, mais si c'est la bonne adresse, mais non, il marchait jusqu'à encore. Non, mais peut-être matin. Que c'est des problèmes de serveur. Et voilà, il y a des problèmes de serveur. Et surtout, tu vas me dire si j'ai la bonne adresse, c'est Franck, Franck .dion, D-I-O-N, .free.fr2e.fr. / On peut même s'arrêter là, en fait, non? Ou il faut mettre un vent? Non, il faut mettre un vent. Alors, il faut mettre un vent, donc INVENT .htm. Voilà. Donc, franck.dion.free.fr/invente.htm. Pour, en ce qui concerne l'inventaire fantôme, je vous dirais d'aller voir, alors on va croire toujours sur The Web Anime, mais il y a un coup de cœur, évidemment, on aime tellement l'inventaire fantôme qui va arriver avec une très longue interview de Franck qu'on n'a pas pu avoir puisque UPA a pris beaucoup de temps, mais c'était de toute façon l'idée. L'idée, c'était pas forcément de parler de l'inventaire fantôme qui en est fait un an, c'était de dire, voilà, maintenant que l'inventaire est fait, maintenant que l'inventaire a eu un prix, qu'est-il à plusieurs devenu prix, et il a eu un prix à Annecy, de prix des jeunes, qui est un prix toujours étonnant et surprenant d'avoir de jeunes, c'est un jury jeune de 13 à 14 ans, enfin, même dans pas, ces eaux-là, oui, même oui, pas beaucoup même plus pas, jeunes, oui, en effet, et qui ont donné le prix qu'avait donné l'année d'avant à Ligne de vie, le film d'Avedikian sur les camps de concentration, un film très dur, qui te le donne l'année dernière, donc, hein, vraiment un jury qu'on sent qui est très très particulier, qui font de l'animation, très touchant, hein, des écoles non seulement très touchant mais aussi mine de rien prestigieux, savoir que c'est un prix qui a permis au film d'abord d'être nominé au Cartoon d'Or, ça c'est pas rien, et de par son existence, surtout d'avoir une visibilité on va dire extraordinaire et très chanceuse pour un court-métrage, parce que l'inventaire fantôme a eu, pendant cette année, et diffusion télé, festival dans le monde entier, et articles dans la presse, et donc une très bonne visibilité. Et donc on devient riche? Et on devient pété de thunes. Et donc qu'est-ce qu'on fait après? Une fois qu'on a tout cet argent, on arrête, c'est ça? On part en vacances. C'est pour ça qu'on n'a rien eu de Franck Dion depuis... Absolument. Depuis un an? Oui. Non, qu'est-ce qu'on fait? Allez. Bien évidemment qu'on gagne, on gagne rien du tout. Mais ça oui. Ça veut dire que bien malheureusement, l'animation ne, enfin, l'animation, peut-être pas chez Pixar, heureusement d'ailleurs. Donc le court-métrage d'auteur. Mais le court-métrage d'animation, de manière générale, n'est pas du tout adapté pour gagner sa vie. C'est pas du tout une économie viable en termes. Alors, moi, j'ai eu la chance, dans le cadre de l'inventaire fantôme, tout de même, d'être payé. C'est-à-dire d'avoir une vraie production avec les armateurs, donc, qui, je le rappelle, ont fait Kirikou, les triplettes de Belleville. J'avais, entre parenthèses, un gros producteur derrière moi. Mais même un gros producteur en France, ça ne reste qu'un tout petit producteur à l'échelle hollywoodienne, si on ne se réfère qu'à eux ou à cette industrie-là. Ça veut dire que ce n'est pas industriel. Ça reste, notamment avec Didier Brunner, qui est le producteur des armateurs, un travail d'artisanat et de film d'auteur, c'est mais vrai. Mais qui est dû aussi au médium de l'animation, aussi au cinéma d'animation par rapport à la prise de vue réelle. Il y a plus de... Absolument. On parle vraiment artisanat, parce que même un film fauché en prise de vue réelle, il suffit qu'il y ait une caméra, des gens, ça suffit. Alors que là, il faut toujours... Ben, il faut inventer plein de choses. Oui, tout à fait. Il faut trouver des solutions. C'est aussi ce qui fait la richesse du court-métrage d'animation. C'est que c'est un vivier d'inventivité, de techniques nouvelles, de modes d'expression complètement novateurs. Enfin, moi, je suis comme je ne viens pas de l'animation, j'ai beaucoup de choses à rattraper. Et c'est vrai que le nombre de choses que je peux voir en animation, j'en découvre tous les jours et je trouve que c'est extraordinairement créatif comparativement au réel, par exemple. Enfin, la prise de vue réelle qui est beaucoup plus, entre parenthèses, hein, y a des choses formidables partout, mais qui est quand même globalement beaucoup plus plan-plan, quoi. Et c'est pour ça que tu as choisi à la base, une fois que l'écriture du scénario, qui est très mouvementée, mais une fois que le scénario finalement... T'as l'inventaire fantôme entre les mains, tu décides de faire, parce que je le sais, au départ c'était prise de vue réelle et animation, et en fait à la fin c'est que de l'animation, c'est que pure de l'animation. Animation. Ça c'est plus dû à un problème de production, parce que si j'avais pu mélanger déjà des comédiens, et des, je l'aurais fait. D'accord. Mais là c'était une manière de faire un film dont j'avais rêvé lorsque j'étais beaucoup plus jeune, c'était d'être fidèle en fait à un rêve, de faire un film en stop motion tout simplement, et puis avec vraiment un vrai film d'animation... avec des films qui avaient fait rêver comme Le Roi et l'Oiseau, qui ne sont pas du tout dans la même veine graphique, mais qui sont des films qui me parlent énormément. En tout cas, voilà. D'accord, donc vous pouvez voir l'Inventaire Fantôme, hein, et surtout en fait plutôt découvrir l'univers de l'Inventaire Fantôme sur le site de Franck. Je reprends ma question, j'aime bien les invités qui ne répondent pas aux questions. Et donc maintenant un nouveau court-métrage Alors, un nouveau court-métrage dont la production met un peu de temps à vraiment démarrer, mais on peut dire que ça a démarré. Parce que faire un court-métrage... Toujours avec les armateurs, ce court-métrage ? Alors, il est fort probable que les armateurs interviennent, mais plus de la même manière qu'ils ont intervenu pour l'Inventaire Fantôme. Et un long-métrage... Un long métrage. Ouais, un long métrage. Alors ça, qui serait alors là avec les armateurs et qui est en fait l'adaptation d'une nouvelle d'Oscar Wilde qui s'appelle Le Fantôme de Canterville et qui serait en fait un film qui serait essentiellement avec des comédiens, mais qui bien évidemment emploierait des techniques d'animation. Ça veut dire qu'on mélangerait un petit peu l'animation, les comédiens. Un projet. Qu'est-ce qu'on peut dire, une espèce d'ovni, une espèce l'histoire. De espèce de chose, l'histoire du fantôme de oui. Canterville. Ça reprend la trame de celle d'Oscar Wilde, qui est une famille du Nouveau Monde débarque dans la vieille Europe. Ils sont riches, aisés, et ils décident de s'acheter un château. Et il s'avère que le château est tenté, et eux, ça leur pose aucun problème. Ils achètent le fantôme avec le château. Et l'habitant donc du château, qui est Lord Canterville, qui est un fantôme qui terrifie depuis 400 ans ses descendants avec un plaisir non dissimulé, qui est une espèce de cabot, espèce de comédien raté, mais qui s'en donne à cœur joie, les voit arriver d'un très bon œil, puisque de nouveau il va avoir son auditoire. Sauf que les Américains, les gens du Nouveau Monde n'ont absolument pas peur du fantôme. Et lui demande plutôt de se calmer, de faire moins de bruit la nuit, d'huiler ses chaînes, bref, de comme ils l'ont acheté, qu'il respecte tout de même la manière de vivre à l'américaine. À l'anglaise. Ah non, à l'américaine, à pardon. L'américaine. Pardon. Ben oui, c'est les... Et donc, c'est la confrontation, en fait, entre du matérialisme et du romantisme. Enfin, c'est tout un... C'était les thèmes chers à Oscar Wilde, mais qui d'un seul coup sont d'une actualité toujours aussi criante qu'à la fin du 19e siècle, et qui avant toute chose se ramènent à l'objet poétique et bien sûr une espèce de questionnement sur comment vivre les uns avec les autres. Enfin bref. Ça fait pas un peu peur l'économie du long métrage ? Non, l'économie là. Excuse-moi, je parlais plutôt de ça. Est-ce que on vient pas de l'anime, on fait un premier cours qui marche plutôt bien, on a deuxième cours, et de suite le long métrage, c'est une économie qui est complètement différente. Ça n'a rien à voir, oui. Est-ce qu'il y a une pression Non, très sincèrement, pour le moment, non, tout simplement parce que le projet est en cours d'écriture. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la pré-production, en termes de... Je ne sais pas. Après, moi, ça sera mon premier, tout comme j'ai fait mon premier court-métrage avec l'Inventaire Fantôme. Là, ça sera mon premier long-métrage, si on arrive à le monter financièrement, parce que c'est toujours une affaire de gros sous. J'y j'imagine que les pressions, oui, sont assez grandes, mais jusqu'à présent, non, ça, enfin, c'est pas quelque chose qui me, ce qui m'inquiète plus, c'est de faire un très beau film, à savoir de commencer par faire un très beau scénario, ensuite faire, de trouver des solutions graphiques qui soient adéquates, de faire un beau film, tout simplement. Quoi. Alors, on a l'inventaire fantôme, on a le fantôme de Canterville, et le court-métrage du milieu, c'est encore une histoire de fantôme ou... C'est presque une histoire de fantôme. Alors ça sera un court-métrage qui sera plus court que l'inventaire fantôme, qui utilisera des techniques peut-être un peu plus trash, on va dire, qui sera donc de la stop motion aussi, mais aussi beaucoup de 2D, beaucoup de systèmes de papier découpé, puisque le challenge sur, enfin pour moi, enfin le challenge, j'aime pas trop ce mot-là, mais l'idée de ce film, c'est que je le réalise quasi tout seul. C'est-à-dire moi qui ne suis pas animateur, de faire un film d'animation, c'est un peu gonflé. Surtout en face d'un animateur, c'est pas si facile. Bravo. En face de tous mes potes animateurs à qui je dis ça, oui. Mais l'idée, c'est surtout de faire un film qui soit une satire avec qui met en scène un personnage qui s'appelle Monsieur Coq, qui est un vendeur de canons, enfin d'obus, de père en fils depuis X générations, qui est un homme aimé des petits et des grands, et qui passe ses journées à jouer à la bourse. Et c'est un homme qui a trouvé la solution. On parlait des syndicats tout à l'heure, lui il a trouvé la solution puisque suite justement à des problèmes qu'il a pu avoir avec les syndicats, il s'est fait des employés automatisés. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout un seul être humain qui travaille pour lui, mais ça ne sont que des robots ou des choses comme ça. Enfin bref, c'est une espèce de gros gag qui met en scène ce personnage délicieux et très bel homme d'ailleurs, qu'est Monsieur Coq, jusqu'au jour où il va rencontrer un concurrent qui va s'installer. C'est un SDF, un ancien soldat qui a perdu ses jambes au front et qui vient vendre en face de ses bureaux des obus usagés. Donc là, ça va poser un problème. Et voilà. Bon, donc on a une chance de voir ça à Annecy l'année prochaine. J'espère. Oui, j'espère. Bon, ben en tout cas, on réinvitera Franck pour tout ça, pour le long métrage. Et je pense même, allez, qu'on réinvitera Franck pour la sortie du DVD avec Guillaume et qu'on se récupérera de Chalet Film et de ses problèmes techniques. Je rappelle, il faut absolument les voir, je rappelle donc le site de Franck, qui va d'ailleurs le rappeler lui-même. Je ne connais pas, moi. Bon, alors c'est moi qui le répète. Il y a un truc imparable. D'accord. Qui est vachement bien. C'est dans le moteur de recherche le plus connu. Je dirais pas le nom, ne pas le faire de la pub. Vous tapez l'inventaire fantôme, tout simplement. Et même, je vais vous dire même quelque chose, dans toujours ce même moteur de recherche, vous tapez Franck, F-R-A-N-C-K, plus loin Dion, D-I-O-N, et vous tombez, toujours, oui. Entre guillemets, et vous tombez sur normalement... Sur dans la Creuse. Non, j'ai essayé tout à l'heure, c'est bon, vous tombez sur le bon. Sur le bon. On va finir cette émission, donc... avant de passer aux news, déjà en remerciant évidemment Sébastien pour son très bel exposé sur UPA et Franck pour nous avoir régalé de l'inventaire et de ses prochains projets.